إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous allons inshallah aujourd'hui terminer le point sur le cinquième pilier de la foi, qui est الإيمان باليوم الآخر, la croyance au jour dernier. Et nous avons détaillé avec les explications du Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala sur ce que signifie la croyance au jour dernier et les différentes étapes qu'il y a dans cela. Donc vous pourrez revenir inshallah dessus dans les cours, dans les audios précédents qui sont sur le site, inshallah, barakallahu fikum. Donc, on ne devrait pas être long aujourd'hui, car j'aimerais réserver le dernier pilier de la foi pour la semaine prochaine, inshallah, car il y a beaucoup d'explications et il est préférable donc de le réserver sur un créneau, inshallah. L'essentiel, c'est que on comprend bien les équivoques des sectes égarées qui se sont égarées sur ce sixième pilier que l'on verra, inshallah, la semaine prochaine. Donc, on s'est arrêté sur le point donc, où le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, disait. Donc là, on arrive à une autre étape. Où est-ce que « ثم هناك تطاير الصحف فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إلى قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Donc ici le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala donc mentionne maintenant l'étape où le jour dernier l'individu lui sera donc donné tout ce qui a été écrit le concernant. Et donc il a mentionné les versets de Surat Al-Haqqa, des versets 19 à 25, dans lequel le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah a mentionné, donc dans la traduction du sens des versets, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez, buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Donc ça concerne pour celui qui recevra son livre, en sa main droite. Puis lorsque l'on continue les versets, donc ce que mentionne le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah, donc à partir donc du verset 25, dans la traduction du sens, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte, hélas comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Donc vous pouvez lire tous ces versets-là dans Surat Al-Haqqa. Donc là j'ai lu la traduction du sens jusqu'au verset 29. Donc ensuite il dit le Cheikh hafidhahullah: ثم بعد هذه الأهوال كلها هناك الصراط منصوبا على متن جهنم والصراط هو الطريق وهو ما يسمى بالقنطرة على متن جهنم أي على وسط جهنم يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحر من الجمر. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم فوق الصراط. Donc ensuite le Cheikh Salah Al-Fawzan hafizahullah mentionne que ensuite et eh bien donc après il mentionne yani toutes les yani les yani ce qui fait peur. Yani tous ces événements donc qui font peur, d'accord? Eh bien, il y a As-Sirat qui est mis au-dessus de la Jahan. Il sera déposé au-dessus de la Jahan, As-Sirat. Et il dit le Cheikh, Huwa Tariq, donc c'est le chemin ou la voie. وهو ما يسمى بالقنطرة، c'est-à-dire ce qui est appelé comme le pont. Donc ce sera le pont que traversera toutes les créatures qui sera déposé au-dessus de la Jahan. Et il sera donc au-dessus donc de la Jahan, c'est-à-dire au milieu quoi. Il passera au milieu de la Jahan. Il dit ensuite le Cheikh, hafidhahullah ta'ala, eh bien, toutes les créatures donc passeront sur ce pont. Ce pont qui est plus fin qu'un cheveu et qui sera plus aiguisé qu'une épée. Plus fin qu'un cheveu, plus aiguisé qu'une épée et plus chaud qu'une braise. Les gens donc passeront dessus et ils passeront dessus, yani ils traverseront donc ce pont là en fonction de leurs œuvres, en fonction de leurs œuvres. Et ici il y a une faïda de Cheikh Mohammed ibn Salih Al Uthaymeen rahimahullah ta'ala concernant donc sur ce pont-là. Donc il disait, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, il disait que ce jour-là sera déposé au-dessus de la Jahan, yani le pont, donc dont l'épaisseur, comme a dit le Cheikh Salih al-Fawzan, dont l'épaisseur sera plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée. Ensuite il dit, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, il dit, on verra le dépôt et les liens de parenté qui se poseront sur les flancs droit et gauche du pont. Donc le Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah a mentionné qu'on verra l'amana, c'est le dépôt. L'amana, c'est le dépôt. Donc le dépôt et les liens de parenté se poseront sur les flancs droit et gauche du pont, alors que les gens le traverseront selon la nature de leurs actions, de leurs œuvres. Leur situation sur le pont dépendra de leurs actions. Il y en a parmi eux qui le traverseront d'un clin d'œil, d'autres d'un coup de tonnerre, d'autres le traverseront en rampant, d'autres entre les deux. Et comme dit le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah, il y en a qui vont le traverser donc à la vitesse d'un poney. D'autres comme à la vitesse du chameau. Il y en a, ils vont marcher. D'autres ramper. D'accord? Et d'autres entre les deux. Et il dit le Cheikh Mohammed ibn Salah Al-Uthaymeen, rahimahullah, et votre prophète se tiendra debout sur le pont en disant, ô Seigneur, préserve-nous, préserve-nous. Et on verra également suspendus sur les bords du pont des crochets dirigés par Allah Azza wa Jal qui agripperont tous ceux qui seront ordonnés de saisir. Soit cette personne sera écorchée puis secourue, soit elle sera ancrée en enfer. D'accord? Soit elle sera ancrée en enfer. Et donc il dit le Cheikh Salah Al-Fawzan, donc là on revient à l'explication du Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidahullah, il dit وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ قَالَ تَعَالَى. Donc cela est mentionné, donc le pont et puis le fait que, yani, il a dit cela est mentionné dans le Coran. Donc il cite ici le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, donc les versets de. Les versets de Surat Maryam. Donc, où Allah Azza wa Jal dit فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. Donc ici le Cheikh Salah Al-Fawzan Hafidhahullah mentionne donc des versets qui sont les versets donc 68 à 70. Donc il va mentionner jusqu'au verset 71 de sourate Maryam. Dans la traduction du sens, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux, puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Ensuite, lorsque vous lisez la suite du verset au niveau 71, c'est là où est-ce que s'est arrêté le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Dans la traduction du sens, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. D'accord ? Ça veut dire, vous voyez, yani, donc c'est ce que mentionne le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, en mentionnant donc ce pont qui est au-dessus et donc au milieu de l'enfer. Wa inna minkum illa waridha. Kullu an-nas, dit le Cheikh, kullu an-nas yuriduna jahannam. Wa inna minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Donc, il dit le Cheikh, فَإِذَا تَجَاوَزُوا الصِّرَاطَ أُوقِفُوا لِلْقِصَاصِ يُقْتَصُوا لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا هُذَّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ. Donc, il dit ensuite le Cheikh, حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى, donc il mentionne donc que, eh bien, tous les gens donc passeront. Vous voyez, parce qu'ils vont passer donc au-dessus de l'enfer. Donc il y en a donc qui vont passer à différentes vitesses en fonction des œuvres qu'ils ont, en fonction de leurs œuvres. D'accord ? Certains seront jetés en enfer et certains commenceront à passer, notamment les munafiqines, qui penseront que ils sont avec les croyants, mais ils seront donc jetés en enfer. Donc, et il y en a qui se feront accrocher, donc par ces crochets-là, puis ils seront secourus, d'accord ? Donc, c'est en fonction des œuvres de l'individu. Puis il mentionne le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, c'est qu'une fois que les gens ont passé le pont, eh bien, ils seront donc arrêtés pour, yani, les juger entre les gens, donc pour le jugement. Donc chaque individu, eh bien un tel il m'a fait cela, un tel il m'a fait cela, et yani, il va y avoir un jugement donc pour un tel sur un tel sur un tel sur un tel. Donc s'il y en a donc qui seront mis en enfer parce qu'Allah Azza wa Jal a décidé de les mettre en... Des musulmans, on parle, hein. Les kofars, ils vont en enfer, ils rentrent en enfer, ils ne sortiront pas de l'enfer. Les kofars et les mouchrikines, ceux qui sont morts sur cela sans s'en être repentis. Donc il dit, le cheikh Salah al-Fawzan, hamidallah, il dit, tandis que ceux donc, eh bien, qui seront purifiés, c'est-à-dire que les musulmans qui entreront en enfer, mais parce que Allah azawajal a décidé de les châtier en enfer de par sa justice, ils n'y resteront pas éternellement par le fait, eh bien, que c'était des purs monothéistes qui n'associent rien à Allah azawajal. Et donc on voit encore ici l'importance du tawhid et de la aqida as-sahiha, correcte et authentique, que le tawhid est une cause de et permet aux musulmans qui meurent et qui a fait des péchés majeurs sans s'en être repenti, eh bien de ne pas rester éternellement en enfer, de par la miséricorde d'Allah Azzawajal. Donc son pur monothéisme, donc cela lui empêchera de rester pour l'éternité en enfer. Donc lorsqu'il se fera purifier, ce musulman-là, de ses péchés, donc il passera un temps dont seul Allah Azzawajal connaît la longueur de ce temps-là, eh bien ils pourront donc, une fois qu'ils seront purifiés, en passant donc par un bassin pour se purifier, donc ils seront jetés en enfer, puis ils passeront par ce bassin-là, et ensuite ils pourront donc entrer au paradis. Donc il leur sera donné la permission pour entrer au paradis. Donc on a vu dans le détail la croyance en ce cinquième pilier de la foi, qui est la croyance au jour dernier. Donc on a pu voir la définition et on a pu voir toutes les différentes étapes donc concernant ce jour dernier. Donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter, donc je les conseille, inchallah, de revenir. Il y a le cours 28 qui va être mis, inchallah, tout à l'heure sur le site Bi'idhnillah, avec le cours 29. Donc on va s'arrêter là, inchallah, pour aujourd'hui. Ça a été court, je sais, mais je voulais juste terminer cette partie-là du cinquième pilier de la foi pour se concentrer uniquement sur le sixième pilier de la foi, inchallah, qui est Al-Qadr. Donc la semaine prochaine, Bi'idhnillah ta'ala, à 20h le dimanche. Jazakumullahu khair, subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته